Emma, on nous la fait pas nous. Toujours les racata piano. Je fais tout l'été dans les Viano. Ça c'est ma vie et pas celle d'un autre. Sois ma baby Mariana. Pour mon train de vie qu'on veut m'envoyer. Tu veux ma peau, toi tu m'en follow. C'est des menteurs, ils veulent me follow. Allez ma couloulé, allez poti sa ma couloulé, oh ma couloulé, oh yo ma colo ma couloulé, poti sa couloulé, yembe la couloulé, allez bini sa ma couloulé, bini sa ma couloulé. Papa Moubimba, yeah. On a donné le goût. Papa Moubimba, yeah. Allez, Louanama. Tu le payes tout, mais c'est pas madame. Shopping ou resto abonné. J'évite les détails en pétard. Sois ma baby Mariana. Pour mon train de vie, qu'on veut m'avoir. Tu veux ma peau, toi tu m'en follow. C'est des menteurs, ils veulent me follow. Allez ma couloulé, allez poti sa ma couloulé. Oh ma couloulé, oh yo ma colo ma couloulé. Koti sa couloulé, yembe la couloulé. Allez bini sa ma couloulé, bini sa ma couloulé.